Bim bam bay, bim bam bay. Y'a qu'une rue à bim bam bay, qu'une maison dans la rue de bim bam bay. Je ne sais plus ce qui m'a plu tout le long de la rue, tout le long de la ville de bim bam bay. La rue, la maison, je ne sais plus ce qui m'a plu, plus le plus, mais je me plais à bim bam bay. Mes amis m'ont dit oh, mes parents m'ont dit ah, mais l'amour m'a dit, mais l'amour m'a dit, mais l'amour m'a dit eh, l'amour est tout près. Il n'y a qu'une rue à bim bam bay, qu'une chanson dans la rue de bim bam bay. Je ne sais plus ce qui m'a plu tout le long de la rue, tout le long de la chanson de bim bam bay. La rue, la chanson, je ne sais plus ce qui m'a plu, ou le garçon qui passait à bim bam bay. Mes amis m'ont dit oh, mes parents m'ont dit ah, mais l'amour m'a dit, mais l'amour m'a dit, mais l'amour m'a dit eh, eh, l'amour est tout près. Il n'y a qu'une rue à bim bam bay, qu'un garçon dans la rue de bim bam bay. Je ne sais plus ce qu'il m'a plu tout le long de la rue, tout le long de la ville de bim bam bay. La rue, la maison, la chanson, le garçon, tout m'a plu, tout me plaît à bim bam bay. Mes amis m'ont dit oh, mes parents m'ont dit ah, hein, mais l'amour m'a dit, mais l'amour m'a dit, mais l'amour m'a dit hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, et je resterai.